Bonjour, épisode 5 de Piste Nordique après une journée off. Au Mondiaux de Bœrsdorf, il n'y avait que du ski de fond et des qualifications de saut à ski au programme de ce mardi. Pour le ski de fond, un 10 km a permis à Thérèse Jaug de rabattre le caquet de tous ceux qui la voyaient en dessous de son étonnant niveau. Certes, elle n'a pas tout gagné cet hiver, mais elle reste la reine de son sport. Elle a d'ailleurs dominé ses adversaires, y compris les Suédoises, qui seront redoutables sur le relais. Et elle a ajouté une nouvelle médaille d'or à sa collection. La Française Delphine Claudel était, avec Flora Dolci, engagée dans cet individuel. Elle a parlé aux deux Louis de l'équipe. Avec Ludel Vinquière, elle reviendra sur sa course du jour. Et avec Louis Schwartz, elle parlera plus longuement de sa formidable saison, de son statut de leader de l'équipe de France féminine ou encore du rôle joué par son entraîneur dans son évolution. Dans ce podcast, on a aussi convoqué le combiné Antoine Gérard. Ce sera avec Florian Burgot. Mais on ne saurait commencer sans le journal des mondiaux de Mathis Fessard. C'est parti. Bonjour Mathis. Bonjour Franck. On te retrouve pour le journal des mondiaux de Bœrsdorf. Eh oui, après un jour de repos en Bavière ce lundi, les compétitions reprennent et donc mon journal des mondiaux reprend lui aussi. De quoi vas-tu nous parler alors pour ton retour ? Eh bien, je vais commencer par vous donner les résultats de la seule compétition qui a délivré des médailles aujourd'hui, à savoir le 10 km skate dames. Ensuite, je vous donnerai quelques informations sur les participants et les absents de l'équivalent masculin de la course du jour qui aura lieu demain. Enfin, je vous parlerai de l'abandon de deux nouveaux fondeurs sur ces mondiaux. Un journal très tourné ski de fond aujourd'hui. Eh bien, commençons tout de suite par le résultat du jour. Et aujourd'hui, on a vécu une course exceptionnelle tant la performance de la médaille d'or a impressionné. Mais cette course est également très pauvre en suspense tant celle-ci a surdominé la concurrence. Quand on parle de ski de fond féminin et que tu me dis qu'une fille a dominé les débats, je pense qu'on sait à peu près à qui tu fais référence. Eh bien oui, en effet, je pense que personne n'en doutait avant la course, mais c'est bien la reine Thérèse Jaug qui est de nouveau montée sur le trône qu'elle avait conquis en 2019 en terre autrichienne à Seefeld. La Norvégienne devance deux Suédoises au classement. Enfin, devancer n'est peut-être pas le verbe adéquat au vu de l'écart immense entre elle et ses deux poursuivantes. Frida Karlsson, médaillée d'argent du jour, a été reléguée à 54 secondes, quand sa compatriote Ebba Andersson l'a été à plus d'une minute. Et côté française, on attendait beaucoup d'une certaine Delphine Claudel. Eh oui, mais malheureusement, elle a déçu. Elle qui misait beaucoup sur cette course et en avait fait son objectif depuis plusieurs mois, a terminé 22e après un départ assez compliqué qui l'a placée 38e après 1,5 km. La deuxième française en piste, Flora Dolci, occupe quant à elle le 37e rang. C'est dommage. Merci de nous avoir parlé du résultat du jour. Passons maintenant à tes infos. Eh bien, si tu le veux bien, on va commencer par le 15 km skate, messieurs. Et là, nous avons deux nouvelles à vous donner. Depuis le début de ces mondiaux, on vous parle de deux hommes qui surdominent leur discipline, à savoir Johannes Flötklebe et Alexander Bolchunov. L'un des deux sera présent et l'autre absent, c'est ça ? Eh oui, c'est exactement ça. La directrice du ski de fond russe, Elena Valbe, a déclaré sur Match TV que son champion serait présent sur cette course. Pour l'instant, Bolchunov n'a certes fait aucune impasse, mais il semble toujours autant en forme. Et dans le même temps, c'est Klebe qui ne participera pas à ce 15 km, très certainement pour se préserver pour le relais de vendredi. Émilie Versen sera lui aussi au repos. Et je crois que si on a eu connaissance de la présence de Bolchunov sur le 15 km, on a aussi appris dans le même temps la fin des mondiaux pour deux autres Russes. Exactement, Franck. Commençons par Ostiugov, si tu le veux bien. Eh bien, on vous a parlé dans un autre épisode que Ostiugov s'était blessé dimanche dernier lors d'un individuel test. Et on a appris qu'hier, lors de la journée de repos, le Russe avait jeté l'éponge et était rentré chez lui pour ne pas prendre de risque pour sa jambe endommagée. Et après Ostiugov, c'est au tour de Denis Spitsov de déclarer forfait. C'est exactement ça. Hier, lors d'une séance d'entraînement sur la piste d'Oberstdorf, Spitsov a chuté. Et après des examens plus poussés dans une clinique bavaroise, le verdict est tombé. Le Russe souffre d'une fracture du 5e métacarpien de la main gauche. C'est donc la fin des championnats du monde de ski nordique pour lui. Et cette blessure devrait l'éloigner combien de temps des pistes nordiques ? Eh bien, on ne peut pas le prévoir avec précision, mais tout ce que l'on peut dire, c'est qu'il est rentré en Russie pour se faire opérer. Et d'ailleurs, cette opération est prévue le 6 mars prochain. Tout ce qu'on sait, c'est que pour ce type de blessure, ça peut aller jusqu'à 6 semaines de récupération. Voilà, donc affaire à suivre, Franck. On vous tiendra au courant sur la durée de cette absence sur nordicmag.info. Merci Mathis. On te retrouve juste après le coup de fil à une amie entre Louis Schwartz et Delphine Claudel pour nous présenter le planning des compétitions de demain. À tout à l'heure. Le plat principal de cette journée bavaroise a été un 10 km skate. Pour nous en parler, nous retrouvons Louis Delvinquière. Bonjour Louis. Bonjour Franck, bonjour à tous. Aujourd'hui, il y avait une personne qui volait sur la piste, comme vient de le dire Mathis Fessard. Et on commence à bien la connaître, non ? Bien la connaître, oui, c'est peu de le dire. Tu t'en doutes, et tous les auditeurs s'en doutent bien aussi, je vais aujourd'hui vous parler d'une Norvégienne d'1m62 pour 46 kg, blonde aux yeux bleus et qui vole sur des skis. Je pense évidemment à l'impératrice Thérèse Hjorg. Comme Klebe, elle remporte aujourd'hui la deuxième médaille d'or sur ses championnats du monde. Et oui, déjà son deuxième titre sur autant de courses de distance. Elle est bien partie pour réaliser la même prouesse qu'à Seefeld avec le triplé sur les courses de distance. Le skiathlon, l'individuel et le 30 km classique qui arrivera samedi sur la piste d'Oberstdorf. Et ça lui en fait combien de médailles dans tout ça ? Oula, heureusement que Wikipédia existe. Non, pour être plus sérieux, Thérèse Hjorg a conquis en début d'après-midi sa 12e breloque en or. Un 12e titre mondial donc, et c'est son 9e titre en individuel. Elle a sinon remporté 3 fois l'or avec le relais norvégien. Après, si on veut voir plus grand, c'est sa 17e médaille sur des championnats du monde. Elle a en plus 2 médailles d'argent et 3 en bronze. Et aujourd'hui, elle a tout simplement écrasé la concurrence. Ah oui, et c'était beau. La chaleur et les pesants 13 degrés au-dessus d'Oberstdorf n'ont pas suffi pour décourager, ni même ralentir, la sautillante norvégienne. Au fil des kilomètres et à sa grande habitude, Thérèse Hjorg a allumé du vert et accru l'écart petit à petit sur ses concurrentes. 3 secondes après 1,5 km, 4 encore à la mi-course, puis 8, 18 à 2 km du but et 54 secondes à l'arrivée. C'est tout simplement la plus large victoire d'une championne du monde depuis le titre de la Slovène Aleftina Kolstina en 1962. Elle l'avait, elle, emporté avec 1 minute 11 d'avance. Bref, Hjorg était aujourd'hui survoltée. Et je vous propose de l'écouter d'ailleurs. C'était un jour magnifique. Ma forme était très bonne, la technique était bonne et mes skis aussi. Ils se travaillent jour et nuit pour moi et je suis si fier d'eux. Je suis très fatiguée maintenant, mais très contente. Et derrière, du coup, qui retrouve-t-on ? Eh bien, tout simplement le même podium que sur le skiathlon. Allez, je vous laisse réfléchir quelques secondes. Vous l'avez ? Bon, sinon, c'est encore Frida Karlsson qui vient se classer deuxième derrière la Norvégienne. Les Suédoises confirment leur bonne forme car, en troisième position, 12 secondes derrière Karlsson, c'est Ebba Andersson qui pointe le bout de ses spatules. Rendez-vous compte, la médaille de bronze est à 1 minute et 6 secondes de la victoire. C'est tout simplement stupéfiant. Et Jessica Diggins, la leader du général, qui n'accroche toujours pas de médaille. Et non, ça coince encore pour Jessie Diggins. La star de Saint-Paul dans le Minnesota termine au pied du podium et doit manger du chocolat bien fondu sous la chaleur de folie en Bavière. L'États-Unienne est arrivée à bout de force, mais surtout de souffle, avec sa combinaison coupée au niveau des bras et des jambes, telle une combinaison pour les triathlètes. Pour 6 petites secondes, malheureusement, ça ne passe pas pour cette athlète si attachante et méritante. Et pour les deux Françaises en lice, c'était encore plus compliqué. Oui, malheureusement, ça ne s'est pas forcément bien passé pour Delphine Claudel aujourd'hui. C'était le gros objectif de sa saison. Elle avait coché cette course avant même l'hiver et se préparait depuis l'année dernière pour performer aujourd'hui. Malheureusement, dans un jour sans grandes sensations et dans des conditions très chaudes, la Bressoude n'est pas parvenue à faire mieux que 22e, après une belle fin de course tout de même. Elle témoigne de sa déception. Ouais, hyper déçu de ma course. Pas les sensations que j'aurais voulu. Un point de côté tout le long de la course, qui j'aime beaucoup. La respiration, j'ai trouvé un peu bloquée. Et puis, voilà, pas cette aisance sur les skis, pas la glisse que je voulais, enfin, pas le ski que je voulais produire. Donc ouais, c'était une course hyper compliquée, hyper difficile mentalement aussi parce que t'es au championnat du monde, donc tu veux quand même bien faire et donc t'en remets en mai et tu te fais mal. Et c'est des courses très très compliquées avec la chaleur et tout ça, donc je l'avais coché, j'ai un peu, voilà, c'est un échec pour moi, mais c'est pas grave, il y en aura d'autres et voilà, ça les échecs c'est bien, ça fait rebondir et voilà, donc on focus sur la suite maintenant. Mais malgré cet échec, la Vosgienne ne perd pas pied et n'en a pas fini avec ses mondiaux. Elle sera au départ du 30 km classique samedi. C'est un peu nouveau pour moi, mais c'est le 30 classique, ma start samedi du coup. Donc une bonne course pour voilà pour aussi préparer et puis savoir comment se déroule un peu un 30 en start en Coupe du Monde, enfin au championnat du monde, pour penser aussi aux 30 skates qu'il y aura du coup normalement à Pékin. Donc voilà, c'est nouveau mais c'est sympa, j'ai pris du plaisir en classique au ski alpin, donc je me dis que sur du long en plus je suis de mieux en mieux, si le rythme, si elle part pas comme des furies, ça peut très très bien faire et sûrement skier un moment avec les meilleurs et puis voilà, apprendre aussi comme ça quoi. Et pour Flora Dolci, l'autre tricolore engagée, qu'est-ce que ça a donné ? Eh bien, ce n'est pas dans le fameux top 30, mais c'est tout de même une performance satisfaisante pour Flora Dolci sur l'individuel. Elle se classe 37e à plus de 3 minutes certes, mais à sa meilleure place en carrière. Pour conclure, la France n'était pas à la fête, Jaug a continué d'écrire son histoire et l'histoire de son sport, et les Suédoises sont encore et toujours celles qui se classent derrière Jaug. Allez, on se retrouve demain pour le rendez-vous de Momo, cette course cochée, fléchée, visée par tout le groupe France même, l'individuel 15 km libre. Il y aura aussi Clément Paris, Hugo Lapalu et Adrien Backscheider. Allez, à demain, salut Franck et salut à tous. Merci Louis. L'Amérique, l'Europe, l'Asie, l'Afrique et maintenant l'Océanie. Arthur Masso continue son tour du monde des petites nations de ces mondiaux de Borsdorf. Aujourd'hui, rencontre avec le trentenaire australien Philippe Bellingham. Bonjour Franck. Pour les suiveurs assidus de ski de fond, et je sais qu'il y en a beaucoup parmi les auditeurs de Piste Nordique, il est facilement reconnaissable. Allez, on fait un petit exercice, regardez au fond du peloton, cherchez une combinaison vert et or, des cheveux bouclés, une barbe fournie, et ça y est, vous tombez sur Philippe Bellingham, 30 ans. Enfin, sur Phil Bellingham, comme il préfère qu'on l'appelle. L'Australien découvre le ski à 18 mois à peine. Il faut dire qu'il a grandi au pied du domaine de False Creek, au sud-est du pays. À 6 ans, il délaisse l'alpin pour le fond et débute ses premières compétitions majeures. Il devient une terreur des coupes continentales océaniennes avant de s'attaquer au circuit mondial. Depuis 2013, figure-toi qu'il n'a manqué aucun grand championnat, que ce soit aux Mondiaux ou aux JO. Et cette année, il s'est même aligné sur la majorité des coupes du monde. Alors ses résultats restent modestes, bien évidemment, mais pour Phil, l'important reste de participer, quitte à se lancer des défis comme au jeu de Pyeongchang, où ce spécialiste du sprint s'est aligné sur le 50 km. Et pour la petite histoire, il l'a même terminé. Demain, retour en Europe avec la jeune sauteuse roumaine Daniela Aralambi. On passe tout de suite au combiné nordique avec Florian Burgot. Bonjour Florian. Bonjour Franck et bonjour à tous nos auditeurs. La semaine dernière, tu nous as beaucoup parlé du jurassien Laurent Mulotaler, 12e de la compétition sur Petit Tremplin. C'était vendredi. Aujourd'hui, pour débuter cette seconde semaine, tu voulais évoquer Antoine Gérard. Oui Franck, c'est exactement cela. C'est que le combiné de Ventron, plus de 80 départs en Coupe du Monde à 25 ans seulement, a connu un début d'hiver compliqué. Pas dans le coup sur le tremplin et incapable de mettre du pep sur les skis, ce qui est d'ordinaire son point fort, il a dû mettre la flèche en janvier. Après le triple de Seafield, il est rentré en France passer des examens, qu'ont-ils donné ? Début février, Jérôme Lahert, le patron du combiné nordique à la Fédération française de ski, expliquait à Nordic Magazine que la VO2 max, soit la consommation maximale d'énergie d'Antoine Gérard, ne présentait pas d'anomalie. Cependant, sa fréquence cardiaque et ses lactates ne montaient pas autant que d'habitude. Le Vosgien était donc obligé de se reposer jusqu'aux Mondiaux, s'entraînant à très faible intensité pendant 3 semaines. Qu'en est-il de sa forme à Oberstdorf ? Eh bien, depuis son arrivée en Bavière, on sent un Antoine Gérard retrouvé, reprenant ses marques sur les skis, signant notamment le 10e chrono lors du Gundersen Petit Tremplin, terminé à la 23e place. Ce qu'il confirme au micro de Piste Nordique. Je me sens mieux sur les skis en ce moment, ça fait du bien d'avoir des bonnes sensations. Je sens que ça monte, la forme monte et ouais, je suis content et j'ai hâte d'être sur le gros tremplin puisque je pense que le tremplin me conviendra mieux aussi, donc ça va être une belle deuxième semaine. Et comme Antoine Gérard, on a vraiment hâte que cette deuxième semaine commence. Ce sera, rappelons-le, jeudi avec la compétition individuelle sur le grand tremplin du Schattenberg. À demain Franck. Merci Florian, à demain. Allez, on ouvre la page Swaski avec Marine Bouillet. Bonjour Marine. Bonjour Franck, bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Piste Nordique. Avant cette nouvelle semaine à Oberstdorf, un petit point sur les premières épreuves de Swaski de ces mondiaux. Vous êtes prêts ? Commençons par le tableau des médailles. Et pour une fois, la Norvège ne domine pas. Et non, contrairement au ski de fond ou au combiné nordique, la Norvège n'est pas première en Swaski. Si elle a 3 médailles, comme la Slovénie, elle n'en a encore aucune en or. La Slovénie est donc pour le moment première de ce classement, suivie par l'Allemagne, l'Autriche et la Pologne. La Norvège est seulement 4e devant le Japon. Mais une seule médaille d'or cette semaine lui permettrait de revenir en tête de ce tableau. Emmenée par Granerud. Bien sûr, je suis sûre que vous commencez à bien le connaître si vous lisez Nordic Magazine. Halvor Egner Granerud est le petit prodige de l'équipe masculine norvégienne. Il faut dire qu'il a remporté 11 compétitions sur les 22 précédant les mondiaux. Il a ainsi égalé le record du meilleur Norvégien jusqu'à présent et a bien failli le dépasser, si une disqualification ne l'en avait pas empêché. Mais sur les grands rendez-vous, le Norvégien fait encore pâle figure. À la tournée des 4 tremplins déjà, il n'avait pas réussi à s'imposer malgré sa domination sur la Coupe du Monde. La semaine dernière encore aux Mondiaux, il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait. Résultat, aucune médaille d'or pour le champion. Une déception pour ce jeune sauteur qui n'imagine égaler les meilleurs sauteurs du monde que s'il repart d'Oberstdorf avec au moins une médaille d'or individuelle. Il pourra retenter sa chance vendredi sur le grand tremplin. Tout comme les filles d'ailleurs. Bien sûr, la compatriote de Granerud, Maren Lundby, sera la première à vouloir empocher cette toute nouvelle breloque. Car c'est bien la première fois que les filles s'affronteront pour l'or sur grand tremplin. Un changement qui va dans la bonne direction pour le saut féminin. En effet, on pourrait être surpris de savoir qu'en 2021, la FIS préfère toujours organiser les compétitions féminines sur petits tremplins. Maren Lundby est la première à critiquer ses choix. Si l'on voyait une avancée avec cette nouvelle compétition aux Mondiaux et une tournée en Norvège, le Covid a tout fait reculer. Pourquoi ? Eh bien avec toutes les compétitions annulées, seules celles pour la Coupe du Monde masculine ont trouvé à chaque fois un tremplin de remplacement, de quoi énerver et décevoir les sauteuses à ski comme leurs fans, Lundby la première. Et que dire du fait qu'elle n'ait toujours pas le droit de s'élancer du haut des tremplins de vol à ski ? Si vous voulez mon avis, la FIS a encore des efforts à faire du côté de l'égalité homme-femme. Pour preuve, les combinées féminines viennent seulement, en 2021, d'obtenir une Coupe du Monde et une épreuve au championnat du monde. Il était temps. C'est certain, et ce n'est pas la seule polémique de ces mondiaux. Malheureusement non. Les juges du saut ont beaucoup fait parler d'eux la semaine dernière, beaucoup estimant qu'ils n'avaient pas noté correctement la compétition individuelle féminine, les Norvégiens en tête, soutenus par d'anciens juges. Je pense qu'il est vrai que les notes étaient plutôt surprenantes. Prenez Marita Kramer, même si elle pose les fesses par terre à la réception, elle reçoit des 16. Idem pour Emma Klinec, en or, qui pose à peine le télémarque et a les mêmes notes que d'autres sauteuses dont le style était presque impeccable. Les notes ont-elles alors encore du sens ? Si vous voulez en savoir plus, je vous en parle plus longuement dans le dernier numéro de Vue Norge sur le site de Nordic Mag. Intéressant. Et que nous réserve donc cette semaine ? Du beau, du très beau saut. Les sauteurs migrent sur grand tremplin. Les filles ouvriront le bal dès demain avec leur compétition individuelle. Ce sera ensuite au tour des hommes vendredi et enfin, le par équipe masculin conclura ses mondiaux de saut samedi. Alors restez connectés. Bien sûr qu'on va rester connectés. Tout cela est évidemment à vivre sur nordicmag.info et sur l'application de Nordic Magazine, mais aussi dans Piste Nordique dès demain. Merci Marine. Merci Franck, merci à tous et à demain. On l'a déjà entendu un peu plus tôt avec Louis Delvinquière, mais retrouvons, si vous le voulez bien, Delphine Claudel. Avant l'individuel de ce mardi, la Bressaude a répondu aux questions de Louis Schwartz et ensemble, ils ont mis à l'honneur le rôle de l'entraîneur dans le parcours d'un athlète de haut niveau. On écoute. Yo Delphine, merci de nous accorder de ton temps. Bravo pour ta 7e place. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une aussi belle course aux Mondiaux. Comment tu te sens ? Écoute, ouais, hyper contente de ma perf sur le skiathlon. C'était une belle journée, je me sentais bien, j'avais les jambes en classique et en skate, donc je me suis fait vraiment vraiment vraiment plaisir. Et donc voilà, c'est surtout que ça commence bien les Mondiaux pour moi. Ouais, mais ce qui est fou, c'est que l'année dernière tu rentrais dans le top 15 régulièrement. Maintenant c'est le top 10, donc ça prouve déjà la belle progression et on espère que ça va aller encore plus haut. Enfin, je pense que surtout toi, tu l'espères que ça va. Tu as déjà eu ton podium, ton beau podium, mais là, ouais. C'est fréquent, quoi, maintenant. Ouais, bah c'est clair que je me surprends un peu. Enfin, voilà, je pensais avoir fait des gros coups là, ce début de saison, et puis là, sur le Mondiaux, faire 7 au skiathlon. J'avoue que là, je réalise quand même que c'est une sacrée perf. Donc, ouais, plutôt contente pour ça. Après, bon, j'ai fait un podium sur une étape un peu atypique aussi. Donc, il ne faut pas l'oublier. J'en suis hyper fière. Mais je me dis que je me dis qu'il y a quand même des belles choses à aller chercher. Donc c'est clair que j'espère encore grimper des niveaux et puis passer des caps. Mais c'est vraiment encourageant. Je suis contente pour le fond féminin aussi, quoi. Et en parlant du fond féminin, toi, maintenant, bah, tu es la leader de le groupe. Tu es quand même plutôt jeune. Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives bien à gérer d'être la tête d'affiche et aujourd'hui, les autres filles, bah, elles t'ont en exemple. Elles essayent leur objectif, c'est de faire comme toi. Et malgré tout, il y a encore un gap entre elles et toi. Ça, au quotidien, c'est comment d'être un peu la leader de l'équipe, quoi. J'y pense pas vraiment, en fait. Je me dis que je suis contente d'être la leader. C'est clair que je suis contente de montrer aux filles que c'est possible et tout ça. Et puis je suis sûre que voilà, les filles ont grave du potentiel et peuvent carrément faire des super perfs. Mais bon, moi je vois que j'ai mis du temps aussi à faire ces performances-là, ça m'a pris des années petit à petit à aller chercher les résultats que je fais maintenant. Donc je me dis qu'il faut du temps, il faut pas qu'elle soit trop pressée non plus. Et je suis sûre que ça va faire. On a une Léna là en distance qui passe des caps. Voilà, une Flora, c'est pareil, elle fait des super performances pour son âge aussi. Et je pense que voilà, il faut un peu de temps. C'est un sport quand même hein, où il faut attendre un peu de maturité pour réussir aussi. Mmh. Donc ouais, non, le rôle que j'ai, c'est cool. Moi j'aime bien. Hein, je suis contente d'être la leaduse, de faire mes perfs. Et du coup, je suis contente de prouver que c'est possible, quoi. Ouais, ouais, ça te manque pas de quand tu te pointes le matin, par exemple au skiathlon, et qu'il y a que toi qui cours. D'avoir un peu le soutien, enfin des fois c'est cool de croiser un regard d'une autre fille qui a le dossard en même temps et au final tu vis tes échauffements, tes tests et tout un peu plus toute seule, quoi. Je pense que par rapport à, par exemple, je vois les quatre gars du groupe chez les gars qui, bah, eux ils peuvent vraiment partager un peu plus, ça doit être un peu frustrant malgré tout de temps en temps, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est sûr que ce serait plus plaisant, voilà, d'avoir des filles à mes côtés, voilà, comme tu dis, voilà, le matin des courses, avoir une motivation qu'on peut partager, voilà, un move, un vibe qu'on peut partager, quoi. Mmh. Mais c'est vrai que bon, c'est pas que je me suis habituée, je me suis créée aussi une petite bulle comme ça, du coup, en me disant bah que j'étais la seule et puis il fallait que je fasse avec. J'ai mes petites habitudes de solo maintenant, on va dire, mais hâte, voilà, de pouvoir partager ça avec les filles. Et puis type, je pense que du coup le coach fait un boulot hyper hyper bon dans ce sens, qui m'accompagne à mort et qui me soutient un peu comme si j'étais pas la seule à courir aussi le jour de course, quoi. Donc je pense qu'il complète vachement ce fait là aussi, quoi. Ouais, le Thibaut là, depuis que t'es junior 2, c'est ton coach, ça commence à faire junior 1 même, je sais même plus exactement. Depuis 2014, ouais. Nous on était dans un groupe ensemble, vraiment. Notre première année à la Fédé, on était 2014, toi t'étais jeune 2, ouais, c'est ça, ouais. Et après t'as dû l'avoir l'année d'après. Ouais, ça fait 6 ans au moins que c'est ton coach, donc vous avez dû créer... Ouais, je pense que c'est la 7e année, une connerie comme ça, oui. Que vous avez dû créer une relation entraîneur-entraîné qui doit être cool, là, surtout avec les podiums maintenant, lui, il doit sentir que le travail paye, quoi. Je l'ai vu déjà frustré il y a quelques années, et là, moi, beaucoup moins, quoi. Ouais, non, mais c'est clair qu'on a créé une sacrée, une sacrée relation aussi avec les années, et puis on a confiance... en l'autre, d'une certaine, enfin, on est vachement, vachement soudés. C'est vraiment une bonne relation qui s'est créée. Et moi, j'ai hyper confiance en lui et il m'est vraiment, enfin, c'est un énorme pilier pour moi. Et puis c'est une grosse partie de ma réussite aussi. Donc ça, il est hyper contente d'avoir trouvé un coach et d'avoir un coach comme ça. Ouais. Et c'est clair que d'avoir fait le podium, je pense à lui aussi un peu particulièrement, quoi, parce qu'il amène les filles, il y croit, ça fait des années qu'il y croit et qu'il nous pousse. Et puis j'espère que c'est pour ça que j'espère que ça va filer aussi pour les autres filles, parce que je pense qu'on fait du bon boulot, qu'on est sur la bonne lignée, et puis que voilà, il prend vraiment du temps, il prend du temps, je pense aussi à sa famille et tout. C'est quand même une grosse partie de sa vie, donc. C'est cool de pouvoir lui rendre l'appareil aussi en faisant des belles perfs, quoi. Ouais, parce que pour expliquer un peu aux gens, il ne faut pas oublier que oui, les athlètes, ils font beaucoup de sacrifices, mais les coachs aussi, ils sont autant peu chez eux que les athlètes. souvent ils ont des familles, des enfants, Ouais. des fois quand ça marche pas comme on veut, ça peut être frustrant. Donc là, c'est un beau cadeau que tu lui fais, mais tu t'es donné les moyens, vous vous êtes donné les moyens d'aller chercher. Exactement. Ça tout dit. Merci Delphine pour ce petit temps d'interview et à bientôt. Ouais, merci. Ciao. On accueille de nouveau Mathis Fessard pour nous présenter le programme de demain à Oberstdorf. Rebonsoir Franck. Mercredi, on aura donc droit à deux compétitions, c'est bien ça? Eh oui, c'est bien ça. Comme on en a parlé un peu plus tôt dans ce podcast, la journée de demain sera lancée à partir de 13h15 par le 15 km skate messieurs. Ensuite, à 17h15, ce sera le grand retour des sauteuses à ski pour la première compétition sur grand tremplin de la quinzaine. Merci Mathis pour ce programme. On se retrouve demain. Bonne soirée à tous et à demain soir. C'est ainsi que se termine ce cinquième épisode de Piste Nordique. Vous pourrez le retrouver ainsi que tous les précédents sur vos plateformes préférées, dont Google Podcast ou Spotify et Deezer. Merci pour votre écoute. À très vite.